Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Faqad dhakarna fi al-usbu' al-madi athar Abdillah ibn Amr ibn al-As annahu kana idha qara'a qawla Allahi tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal nabi inna arsalnaka شاهدا وبشيرا ومبشرا ونذيرا كان يقول هي في التوراة. Et donc on a vu la semaine dernière la parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As, que lorsqu'il récitait le Coran et qu'il arrivait au passage la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô messager, certes nous t'avons envoyé en tant que témoin, mais aussi en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et mettant en garde contre un châtiment terrible. Il disait, Abdullah ibn Amr, Hiya fi Tawrat, ce passage est certes dans la Torah. Ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa hirzan lil ummiyin. Ô prophète, nous t'avons certes envoyé comme témoin, annonciateur d'une bonne nouvelle et en protection pour les Ummiyin. Les Ummiyin, on avait dit, ce sont ceux qui n'ont pas reçu de livre. Anta abdi wa rasuli, tu es mon serviteur et mon messager. Sammaytuk al-mutawakkil, je t'ai appelé al-mutawakkil, celui qui met sa confiance en Allah. Laysa bifadhin wa la ghalidh. Tu n'es pas grossier et tu n'es pas dur. وَلَيْسَ بِسَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ. Et tu ne fais pas de vacarme dans les marchés. وَلَا يَلْفَعُ بِسَيِّئَةِ السَّيِّئَةِ. Et tu ne repousses pas le mal par le mal. وَلَكِنْ يَعْفُ وَيَغْفِرُ. Cependant, il fait preuve de... Il pardonne. Cependant, il pardonne. وَلَا يَقْبِدُهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne le fera mourir avant de redresser la religion tordue. بِأَنْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, de telle sorte qu'ils disent لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيَا. Et il ouvrira par sa cause des yeux aveugles. وَأَذَانًا سُمَّا, et des oreilles sourdes. وَقُلُوبًا غُلْفًا, et des cœurs couverts. وَقَدْ ذَكَرْنَا بَعْضَ فَوَائِدِ هَذَا الْأَثَرِ وَتَرَكْنَا الْبَعْضَ نِسْيَانًا. Et certes, on avait cité certes quelques leçons de cette parole d'Abdullah ibn Amr, et on les avait expliquées, et j'avais oublié d'expliquer certains passages de cette parole. Et donc Inch'Allah, on va reprendre là où on s'était arrêté. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en fait, Abdullah ibn Amr, lorsqu'il dit que Allah il cite dans la Torah wa la yaqbiduhu Allah, qu'il est écrit dans la Torah wa la yaqbiduhu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja, et Allah ne le fera pas mourir avant de redresser la religion tordue. Aï, millat al-arab. Ce qui est voulu par là, la religion tordue, c'est la religion des Arabes. Soumiyat al-millat al-awja lima dakhala fiha min ibadati al-asnam. Elle a été appelée comme cela, la religion tordue, à cause du fait de tout ce qui est rentré dans cette religion comme adoration des idoles et des statues. فإقامتها المراد بها إخراج أهلها من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. Et donc, le fait de redresser cette religion, ce qui est voulu par là, c'est le fait de guider les adeptes de cette religion, donc l'adoration des statues, etc., comme on pouvait le voir à la Mecque à l'époque. Et donc, le fait de guider les adeptes de cette religion vers, donc, de l'obscurité de la mécréance vers la lumière de l'islam. Et on a déjà précisé, lors de la semaine dernière, que le fait que ça soit les Arabes qui soient cités ici, ou la péninsule arabe, ou la Mecque ou Quraysh, le fait que ça soit eux qui soient cités ici ou dans d'autres textes, cela ne veut nullement dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyé qu'à eux. Il y a un beau passage de Cheikh Oulissa Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il débat avec les chrétiens par rapport à ça. Certains chrétiens qui disent, donc, qui vont ramener ce genre de texte pour dire que le prophète Mohammed, il n'a été envoyé que aux Arabes. Et donc, nous, on n'a pas à croire en lui. Nous ne sommes pas des Arabes, on n'a pas à croire en lui. Cheikh Oulislam Ibn Taymiyyah, il ramène donc les textes de la Torah qui stipulent que Jésus a été envoyé juste au peuple de Béni Israël. Il dit donc, vous venez d'où? Est-ce que vous venez de Béni Israël ou pas? Et ensuite, il ramène d'autres textes qui montrent que Jésus, a par la suite, il lui a été demandé de transmettre le message aux autres que Béni Israël. Et donc, Cheikhoul Islam, il va donc répliquer aux chrétiens par leur propre livre en leur montrant les mêmes arguments qu'il réfutait contre les musulmans. Un livre que vraiment je conseille à tous nos frères arabophones de lire. Ce livre n'a pas encore été traduit en langue française, mais il est vraiment très très profitable pour les arabophones, particulièrement ceux qui vivent dans des pays comme le nôtre. Bi an yakulu la ilaha illallah. Et donc de telle sorte qu'ils disent la ilaha illallah, kalimatu tawhid, la parole de l'unicité. Comme on l'a dit souvent, la ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah. Wa bi hadhihi al-kalima yaftahu Allahu a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Et par cette parole, Allah tabaraka wa ta'ala va ouvrir des yeux aveugles et des oreilles sourdes, ainsi que des cœurs qui sont recouverts. فَالنَّاسُ دُونَ الْإِسْلَامِ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَكِنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْأَدِلَّةَ الْقَاطِعَةَ الْمُبَيِّنَةَ لِلصِّدْقِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Et donc, les gens sans l'islam, ils ont des yeux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas les preuves éclatante montrant la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika lahum adhanan aw adhanun lakinnahum la yasma'una hadhihi al-adilla al-qati'a. Et de la même façon, ils ont des oreilles, mais ils n'arrivent pas à entendre ces preuves éclatantes. Ils ont aussi des cœurs. Cependant, ils n'ont pas la capacité de comprendre. Tu as beau leur citer et leur montrer des preuves évidentes, mais ils ne comprennent pas. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: "Wa laqad dharana li jahannama kathiran min al-jinn wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Certes, nous avons destiné pour l'enfer beaucoup de djinns et d'hommes. Ils ont certes des cœurs avec lesquels ils ne raisonnent pas, et des yeux avec lesquels ils ne voient pas, et des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Idan, al-murad bi hadha al-athar huwa anna al-yahud wa an-nasara kanu ya'rifun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sayati. Et donc, ce qui est voulu par ce texte, cette parole d'Abdullah ibn Amr, c'est que les juifs et les chrétiens, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait venir. Pourquoi est-ce que j'ai précisé aussi les chrétiens? On a cité la Torah. Je n'ai pas parlé de l'Injil. Parce que les chrétiens s'appuient aussi sur la Torah. Parce que les chrétiens s'appuient aussi sur la Torah. C'est important de connaître aussi. Hein. Donc les chrétiens, ils s'appuient sur quoi? Les chrétiens s'appuient sur la Torah et les évangiles. Les juifs, eux, ils s'appuient sur la Torah, dans cet instant. D'accord? Et donc, quand on parle de la Torah, ils sont tous concernés par cela. Même si les chrétiens, eux, ils vont dire que dans l'Ancien Testament, on regarde plutôt les bases de la législation, les fondements. Mais en ce qui concerne la jurisprudence, ils vont vous dire, nous, on regarde les évangiles. C'est-à-dire qu'ils vont dire que les évangiles vont abroger la Torah concernant la jurisprudence. Mais concernant la base leur religion, ils se basent aussi sur la Torah. Et la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cela ne fait pas partie de la jurisprudence. Ça fait partie de la base de la religion. أخرج الإمام أحمد في المسند أن رجلا من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Ahmed a cité dans son livre المسند qu'un bédouin a dit: j'ai ramené de la marchandise à Médine durant la vie du prophète صلى الله عليه وسلم. فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. Et lorsque j'ai fini mon commerce, alors je me suis dit, je vais aller rencontrer cet homme. Cet homme dont tout le monde parle, je vais aller le rencontrer. Et je vais écouter de lui, afin de voir quels sont ses arguments. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أكفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت. Et donc, il marchait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar. Alors le bédouin dit, je les ai suivis à la trace. Fi akfa'ihim, je les ai suivis à la trace. Jusqu'à ce qu'ils parviennent à un homme juif qui lisait et qui récitait la Torah. Il se réconfortait par rapport à son fils qui était mort. Que Ahsan il fitienne wa ajmali, comme le meilleur des enfants et le plus beau. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, unshiduka billadhi anzala at-Tawrat. Hal tajiduni fi kitabika dha sifati wa makhraji? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit à cet homme: je te demande par celui qui a fait descendre la Torah, est-ce que tu me trouves dans ton livre avec mes caractéristiques et ma venue? Fa qala bi ra'sihi hakadha. Aï la. Et donc, le juif, il a répondu par sa tête comme ceci. C'est-à-dire non. Non, on ne te trouve pas dans notre livre. On ne voit pas tes caractéristiques. Comme on l'entend actuellement aujourd'hui. Non, jamais. Il n'y a pas eu de Mohammed dans la Torah, ni l'Évangile ou quoi que ce soit. Comme on l'entend aujourd'hui. Fekal ibnuhu. Et donc son fils, il a parlé. Son fils qui était mort. Il a parlé. I walladhi anzal at-Tawrat. Inna lanajidu fi kitabina sifatak wa makhrajak. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Et donc il dit: oui, nous te trouvons dans notre livre avec tes caractéristiques et ta venue. Et j'atteste que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de toi, en dehors d'Allah, et que toi tu es le messager d'Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيم اليهود عن أخيكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit: éloignez les juifs de votre frère. Éloignez donc les juifs de votre frère. ثم تولى كفنه وجننه والصلاة عليه. Et ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم s'est occupé de son linceul, de sa tombe et de prier sur lui. وقد ذكر شيخنا الشيخ عرفات هذا الحديث في درسه ولم يشير إلى شيء في الإسناد لكن الحقيقة أن الإسناد فيه كلام. Et donc شيخ عرفات il a cité ce hadith dans son cours en s'appuyant sur ce hadith en le citant parmi les preuves montrant que les juifs et les chrétiens connaissaient la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh n'a pas montré, donc il n'a pas cité de défaillance dans la chaîne de transmission. Cependant, il y a un problème dans la chaîne de transmission de ce hadith qui a été rapporté dans le mousnad de l'imam Ahmed. Ikhtalaf al-ulama في ابن صخر العقيلي أهو صحابي أو لا. Et les savants, ils ont divergé concernant Ibn Sakhr al-Uqayli. Dans la chaîne de transmission, à la fin de la chaîne de transmission, on trouve Ibn Sakhr al-Uqayli qui dit qu'un bédouin lui a rapporté que... Et l'histoire commence. Le problème, donc, ce bédouin, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc, sahabi, on n'a pas besoin de savoir qui il est. On n'a pas besoin de savoir qui il est. Pourquoi? Parce que, radiyallahu anhum wa radu an, Allah, il les a tous agréés. Mais maintenant, Ibn Sakhr, les savants ont divergé, est-ce que c'est un compagnon ou pas? Comme l'a cité Ibn Hajar. Et je n'ai pas trouvé d'éloge venant des savants concernant cet homme. Je n'ai pas trouvé d'éloge concrète permettant de dire que nous pouvons accepter de lui ses narrations. Est-ce que vous comprenez le problème ici? C'est-à-dire que si c'est un compagnon, on n'a pas besoin d'éloge. Khalas, c'est un compagnon, c'est un compagnon. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait les éloges des compagnons. Ça suffit. Mais si ce n'est pas un compagnon, là on a besoin de savoir quelle est l'avis des savants sur lui. Et le problème, il est là. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ça fait depuis là, plusieurs jours que je cherche, et jusqu'à ce jour, je n'ai pas d'avis sur lequel je penche plus concernant cette chaîne de transmission. Mais Inch'Allah Ta'ala, Iznillah, peut-être que la semaine prochaine, la recherche aura un peu plus avancé, et que je pourrai vous dire concrètement si elle est authentique ou pas. Même si je sais qu'il y a certains savants contemporains qui ont authentifié le hadith en disant que c'est un compagnon. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود أسلموا فإنكم تعرفون أني رسول الله حقا. Et certes, il a été rapporté dans le recueil Sahih al-Bukhari que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit aux juifs أسلموا, soumettez-vous, convertissez-vous à l'islam. Car certes, vous savez que je suis le messager d'Allah en toute vérité. وجاءت قصة عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في كنيسة اليهود فقال يا معشر اليهود أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم فسكتوا وما أجابوا. Et donc il y a aussi l'histoire de Abdullah ibn Salam. Qui connaît Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam, qui était un juif et qui s'est converti à l'islam. On va voir l'histoire donc ici. Un passage de sa conversion. Abdullah ibn Salam, son histoire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il est rentré dans le sanctuaire des juifs. Il leur a dit, oh le peuple des juifs, montrez-moi 12 hommes parmi vous qui attestent qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et par cela, Allah enlèvera la colère qu'il a contre tous les juifs qui sont sous les cieux, c'est-à-dire sur cette terre. Est-ce que vous comprenez cette parole? Tellement, ce sont des gens qui ont du mal à croire. Tellement ils ont du mal à croire et à accepter la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé que tous ils acceptent cette vérité pour que chacun puisse bénéficier du fait que Allah les agrée. Et que cette colère qu'ils encourent soit enlevée. Mais il a cité 12. Présentez-moi 12 parmi les juifs qui attestent que la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Sekhetu. Wame ejebu. Ils se sont tus et ils n'ont pas répondu. Fekole aslimu wa kulu la ilaha illallah. Il leur a dit, soumettez-vous. Soumettez-vous à la volonté d'Allah. Et dites la ilaha illallah. Fesekhetu. Dites la ilaha illallah. Fallahu yuhittu ankum wa yarda ankum. Dites la ilaha illallah. Allah vous pardonnera. Et il va vous agréer. Fesekhetu wa me ejebu. Ils se sont tués et n'ont pas répondu. Fekole abeytum. Il leur a dit, vous refusez. Vous refusez. Il est surpris de leur comportement parce qu'il sait qu'ils savent que c'est lui le messager d'Allah. Vous refusez. Fawallahi inni la ana al-hashir. Par Allah, c'est moi al-hashir. On avait déjà vu ce nom, al-hashir. Ça veut dire quoi? Al-hashir. Yuhsharu an-nas ala qadamihi. Et donc les gens seront ressuscités après lui. C'est moi al-hashir. Wal-aqib. Al-aqib, c'est le dernier des prophètes et messagers. Al-aqib. Wa ana an-nabiy al-mustafa. Je suis le prophète, celui qui a été choisi. Amantum aw kadhabtum. Et donc je suis le prophète qui a été choisi, que vous croyez ou que vous mécroyez. Thumma saraf wa tarakahum. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'en est allé et il les a délaissés. Fa baynama huwa munsarifun idha bi rajulin min khalfihi yaqulu kama anta ya Muhammad. Kama anta ya Muhammad. Et donc pendant que le prophète il s'en allait, c'est là qu'un homme derrière lui dit, reste comme tu es, ô Mohammed. Ne bouge pas, ne t'en va pas. Reste comme tu es, ô Mohammed. Il l'a appelé Mohammed, il l'a pas appelé Rasulullah. Afin que les Juifs puissent continuer à dire de lui ce qu'il disait avant son discours. Alors le prophète s'est retourné vers lui. Et cet homme a dit, فقال لليهود تعلموني فيكم يا معشر اليهود. Il leur a dit, que connaissez-vous de moi? Que savez-vous de moi, ô peuple des Juifs? قالوا والله ما نعلم أنه كان فينا أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك قبلك ولا من جدك قبل أبيك. Des éloges, même sur nos kibar ulama, on dit pas ça. Même sur nos kibar ulama, on dit pas ça. Ils ont dit, par Allah, on ne connaît pas qu'il y a parmi nous quelqu'un qui soit plus savant du livre d'Allah que toi, et qui ait une meilleure compréhension du livre de toi, du livre d'Allah que toi, ainsi que de ton père avant toi, et de ton grand-père avant ton père. Des éloges, mashallah, sur lui, sur son père, sur son grand-père, une famille de ulama. Min khiyar al-yahoud, parmi les meilleurs des juifs. Alors lorsqu'ils ont dit ça, qala lahum, il leur a dit, fa inni ashhadu lahu billah annahu nabiyullah alladhi tajidunahu fit tawrat. Alors il a dit, donc je suis le plus savant du livre d'Allah, je suis le plus savant de la Torah. Alors j'atteste pour lui par Allah qu'il est le messager d'Allah que vous trouvez dans la Torah. Qu'il est le messager d'Allah que vous trouvez dans la Torah. فقالوا والله كذبت. Ils ont dit par Allah, tu as menti. Subhanallah, l'Ali al-Azim. Non, par Allah, tu as menti. Ce n'est pas. Le changement de discours n'a pas changé en un jour. C'était le même jour. Le même instant. Juste avant, ils font une éloge sur lui. Que subhanallah, tu te dis, Man hadha ar-rajul, qui est cet homme? Et juste après, là. T'as menti. Thumma qalu fihi sharran. Et ensuite, ils ont rajouté sur cela et ils ont commencé à le critiquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yukbalu minkum. Il a dit on n'accepte pas de vous. Kuntum tuthnuna alayhi khayran. Vous parliez de lui en bien. Falamma amana kuntum anhu sharran. Lorsqu'il a cru, vous avez dit de lui du mal. La yukbal minkum. On n'accepte pas de vous. Thumman sarafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'a hadha as-sahabi Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Et donc, comme on dit, shahida shahidun min ahlihim. Et donc, un témoin faisant partie des leurs a témoigné contre eux. Et certains savants, ils disent que une des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala a été révélée par sa cause. Abdullah ibn Salam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dit, voyez-vous donc, si cela venait. Naam, voyez-vous donc, lorsque cela venait d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que vous avez mécru en cela, et qu'un témoin, ou un homme a témoigné de Béni Israël contre ses semblables. Il a témoigné, alors qu'il faisait partie de Béni Israël, contre ses semblables. Fait amana, et il a cru. Wastakbartum, et vous vous êtes emplis d'orgueil. Inna Allah la yahdi le qawm al-zalimin. Et Allah, certes, ne guide pas les peuples injustes. Idan, hadhihi al-akhbar. وغيرها تدل على أنهم اليهود والنصارى كانوا يعرفون مخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه. Et donc tous ces textes que l'on a cités aujourd'hui et la semaine dernière nous montrent que les juifs ils connaissaient la venue, les juifs et les chrétiens connaissaient la venue du prophète صلى الله عليه وسلم. وجاء بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر حلف الفضول في بيت عبد الله ابن جدعان لما اجتمعت قريش فتعاهدوا أنهم لا يجدون مظلوما إلا كانوا معه وكانوا على الظالم حتى يرد مظلمته. Et donc il a été rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé à une assemblée, une union qui s'appelait Hilf al-Fudul, avant l'islam. Lorsque les tribus de Quraysh se sont réunies et ont pris l'engagement qu'ils n'allaient pas laisser une seule personne subissant une injustice sans le secourir. Pas une seule personne subissant une injustice sans le secourir. Et sans être contre celui qui lui a fait l'injustice, même si il faisait partie d'eux. Et qu'il n'allait pas le lâcher jusqu'à ce qu'il rende et jusqu'à ce que, donc, il fasse en sorte que l'injustice soit levée totalement. Jusqu'à ce que cet homme qui a commis cette injustice fasse en sorte que celle-ci soit levée totalement. Et donc qu'il remette à la personne son droit, que ce soit honneur ou bien ou autre. Ils ont donc pris cet engagement. Ou Abdullah ibn Jad'an, et donc cela s'est passé dans la maison de Abdullah ibn Jad'an. Ou Abdullah ibn Jad'an kana ma'roufan bil karam. Et cet homme, Abdullah ibn Jad'an, il était connu pour sa générosité. Falida, ja'a fi sahih Muslim, أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans le recueil de Muslim, selon Aïcha رضي الله عنها, qu'elle a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم. En disant, ô messager d'Allah, Ibn Jad'an, il était connu dans la Jahiliyyah, la période anti-islamique, pour sa générosité, pour le fait qu'il appliquait les liens de parenté et qu'il nourrissait les pauvres. Est-ce que tout cela lui sera profitable? Est-ce que tout cela lui sera profitable? C'était quelqu'un qui faisait du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu en disant: La yanfa'uhu, innahu lam yakul yawman, Rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din. Le prophète a répondu en disant: Cela ne lui sera pas profitable. Il n'a pas dit une seule fois, pas un jour, il n'a dit: Ô Seigneur, pardonne-moi mes fautes pour le jour du jugement, Yawm ad-Din, le jour de la rétribution. Pas une seule fois. Les savants, ils ont dit, Fekene la yu'minu bil-ba'th. Et donc, les savants, ils ont dit qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Fahadhihi sadaqat, wa hadha al-khayr alladhi qama bihi, wal it'am. هذا كله لا ينفعه يوم القيامة لأنه مات على الكفر. Et donc, toutes ces aumônes et tout ce bien qu'il faisait, le fait qu'il soit aussi la cause de cet engagement qu'il y a eu entre les habitants de Quraysh pour aider toute personne qui subisse une injustice, tout cela ne lui est pas profitable. Pourquoi? Parce qu'il est mort en état de mécréant. وأجمع العلماء على أن الكفار لا ينفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها. Et les savants sont unanimes sur le fait que les mécréants, leurs bonnes actions, leurs actes de bien, ne leur sont pas profitables et qu'ils ne sont pas récompensés pour cela. Ils ne sont pas récompensés pour cela. Il y a une divergence entre les savants concernant est-ce que le châtiment peut être diminué. Est-ce que le châtiment peut être diminué? D'où est venue cette divergence? Abu Talib. Abu Talib. L'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui le défendait, qui le protégeait, qui est mort en état de mécréance, qui aura donc le plus petit châtiment des gens de l'enfer. Et donc la divergence, est-ce que pour le bien qu'ils font, le châtiment peut être diminué. Mais dans tous les cas, s'ils meurent mécréants, leurs actions ne leur feront pas, ne leur permettront pas d'être préservés du feu de l'enfer. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا المجلس الذي فيه التعاهد على نصرة المظلوم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc participé à cette assise dans laquelle il y avait l'engagement d'aider toute personne qui subit une injustice, à l'opprimer. والإسلام يا إخوة جاء ويدعو الناس إلى الاجتماع والتعاون ونصرة المظلوم. Et l'islam, la religion musulmane, appelle les gens à l'entraide, à l'union et au fait de secourir l'opprimé. Akhraj al-Bukhari, an Anas ibn Malik, anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam akol, unsur akhaka, zaliman ou mazloum. Al-Bukhari a cité dans son recueil, selon Anas ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Il dit « Amma al-mazloum, fanansuruhu ya Rasulallah. » « Wa-zalim, kayfa nansuruhu ?» Alors les compagnons, ils disent « En ce qui concerne l'opprimé, oui, nous le secourons. » L'oppresseur, comment nous pouvons-nous le secourir au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant Tamna'uhu min dhulmihi. Tu l'empêches de faire son injustice. Tu l'empêches de faire son injustice. Wa hadha ya ikhwa. أصبح في زماننا هذا عسيرا جدا. Et l'application de ce hadith, mes frères, est devenue à notre époque très difficile, très très lourd. إلا لمن رحمه الله. Sauf pour ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait miséricorde. Si tu vois une personne élevée, qui a un haut rang, qui est respectée, aimée, il fait une injustice à quelqu'un, sous prétexte qu'il a ce rang élevé, les gens se taisent. C'est qui tourne. C'est qui tourne, ils se taisent. Ils savent pleinement que ceci est une injustice. Mais il faut respecter les grands. Il faut respecter les grands. Unsur akhaka zaliman aw madhloum. Tu dois secourir ton frère, qu'il soit opprimeur ou opprimé. Ceci est un ordre venant de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, l'imam Ahmed a cité dans son recueil, avec une chaîne de transmission authentique, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que parmi les choses dont seront interrogés les enfants d'Adam, les enfants d'Adam, yawm al-qiyam, concernant le blâmable qu'ils ont vu. Pourquoi êtes-vous resté silencieux? Pourquoi n'as-tu rien fait pour que ce blâmable, pour que ce munkar disparaisse? Et donc les frères, ce point est vraiment important. Nous devons prendre conscience de cela. Cela fait partie de l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Nous devons nous conseiller les uns les autres. Tu vois ton frère qui fait un acte blâmable, mais va le conseiller, subhanallah l'aliyah. Va le conseiller. Tu ne peux pas rester silencieux, garder cela pour toi, comme ça. Ah, il va se fâcher, ou peut-être qu'après il va mettre en garde contre moi. Malish! Laisse les gens parler. Fais-toi ce qui t'est obligatoire. Ton frère, il a fait un mal, va le conseiller. Et moi, je le dis ouvertement. Si un jour je fais quelque chose de mal, et que quelqu'un d'entre vous, il le sait, que je fais quelque chose de mal, et qu'il ne me conseille pas, c'est mon droit. Ça, oh là, c'est mon droit que tu me conseilles. Alors viens me conseiller. Il n'y a pas histoire de « oui, mais c'est Abdelkarim » ou « je sais pas » ou « comme ils font certains, aujourd'hui, à partir du moment où tu as étudié à Médine, ça y est, khalas. » Il y en a aujourd'hui, il ressemble plus à la soufia qu'autre chose. Tu as étudié à Médine ou alors que certains t'ont fait des éloges, tu peux dire ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu peux insulter comme tu veux. Non, non. C'est une erreur. Il a fait une petite erreur. Et donc, nous devons faire preuve de sincérité entre nous, les frères. Et c'est comme ça que nous allons avancer tous ensemble. Nous allons avancer tous ensemble en nous remettant en cause tous ensemble. Que chacun corrige les fautes de son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « El muslimu mir'atu akhi » Le musulman est le miroir de son frère. Il est le miroir de son frère. « Idha ra'a fiha ayban aslahaha » S'il voit dans ce miroir un défaut, alors il le corrige, il l'enlève. Tu vois en toi un défaut, dans le miroir. Tu vas te laver, tu vas faire en sorte qu'il parte. Tu vois chez ton frère un défaut, bon, t'as sec, tu te tais. Dis-lui, Yahri. Et donc nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on va continuer la semaine prochaine, bi'idnillah, avec le mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le commerce qu'il faisait avec donc, les biens de Khadija. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.